Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2. Gaumet-Duprès 1861. Question 2. En quoi n'est pas la béatitude? Que le bonheur suprême ou la béatitude ne consiste, ni dans les richesses, ni dans les honneurs, ni dans la gloire, ni dans la puissance, ni dans les biens du corps, ni dans la volupté, ni dans les biens de l'âme, ni dans aucun bien créé. 1. La béatitude est-elle dans les richesses? Le bien de l'homme, répond Boèce, consiste à conserver la béatitude plutôt qu'à la sacrifier. Or, les richesses qu'on répand brillent mieux que les richesses entassées. L'avarice est odieuse, la générosité nous illustre. Il y a deux sortes de richesses, les unes, que l'on appelle naturelles, et qui sont la nourriture, la boisson, les vêtements, les maisons, les voitures, etc., ne sont autre chose qu'un soutien pour l'infirmité des hommes. Or, des choses qui, selon David, ont été mises sous les pieds de l'homme ne sont pas notre fin dernière. Les autres, comme l'or et l'argent, que l'on nomme richesses artificielles ou conventionnelles, n'ayant été inventées que pour faciliter les échanges et les transactions, ne sont un objet de cupidité qu'en vue des richesses naturelles, et, par suite, sont encore plus éloignées qu'elles de l'essence même de la fin dernière. La béatitude de l'homme ne consiste donc pas dans les richesses. Note. Cette vérité ne sera goûtée ni de l'avare, ni de cette foule d'insensés qui s'en vont répétant que tout obéit à l'argent, et qu'avec de l'argent on achète tout ce qui est vénal. Oui, tout ce qui est matériel obéit à l'argent, et avec de l'argent on acquiert tout ce qui se vend. Mais avec de l'argent achète-t-on les biens spirituels, que, vous sert, insensés, d'avoir des richesses, puisque la sagesse ne s'achète point. Proverbe 17:16. Après tout, doit-on juger du suprême bonheur d'après l'opinion des insensés et des avares? Il faut bien plutôt s'en rapporter à la vie des sages, comme on juge des saveurs d'après les hommes qui ont le goût le plus sûr. Le désir des richesses, dira quelqu'un, est infini, comme celui du souverain bien. L'argent ne satisfait jamais l'avare. Ecclésiaste 5, 9. Nous convenons que le désir des richesses devient une concupiscence effrénée, mais il ne faut pas croire que ce désir soit infini de la même manière que celui du souverain bien. Plus on possède le bien parfait, plus on l'aime, plus on l'aime, plus on sent de mépris pour tout le reste. La raison n'est que plus on avance, mieux on le connaît, et tel est le sens de ces paroles, « Ceux qui se nourrissent de moi auront encore faim. » L'Ecclésiastique, Siracide, 24-21. Au contraire, quand on possède les richesses ou les biens temporels en général, on les méprise, et, à la vue de leur insuffisance, on désire d'autres biens. Celui qui boit de cette eau aura toujours soif. Jean 6, 13, parole divine qui s'applique parfaitement au bien de ce monde, pour en montrer l'imperfection. Fin de la note. 2. La béatitude est-elle dans les honneurs? Pas davantage, car les honneurs ne sont point dans celui qui est honoré. L'honneur n'est autre chose que le signe par lequel on reconnaît l'excellence de nos mérites. Ce n'est point un tel signe qui élève l'homme au rang qu'il occupe, il se mesure, au contraire, sur les biens particuliers qui contribuent à la béatitude. L'honneur est une conséquence du bonheur suprême, il n'est pas la béatitude elle-même. Note. L'homme vertueux qui agit pour le bonheur suprême, véritable récompense de la vertu, reçoit cependant l'honneur ici-bas, à titre de récompense, de la part de ses semblables, qui n'ont rien de plus grand à lui donner, mais il sait que, s'il travaillait pour l'honneur, il ne serait qu'un ambitieux. Fin de la note. 3. La béatitude consiste-t-elle dans la gloire humaine? Non, et pour la même raison, car, qu'est-ce que la gloire humaine? La gloire, répond saint Ambroise, est la brillante renommée dont le public entoure notre nom. Or, cette renommée suppose notre perfection, sans la produire. Il n'en est pas, en effet, de la gloire qui vient des hommes comme de celle qui vient de Dieu. La connaissance divine étant, en général, la cause de l'objet connu, le parfait bonheur de l'homme, que l'on appelle la béatitude, en dépend comme de la cause qui le produit. Voilà pourquoi la gloire qui est en Dieu rend l'homme souverainement heureux, comme le marquent ces paroles du psalmiste, « Je le sauverai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour, je lui ferai voir le salut que je lui destine. » Psaume 90, 15 et 16, ce que l'apôtre confirme admirablement en disant, « Les souffrances de ce siècle ne sont pas dignes de la gloire future qui se révélera en nous. » Romains 8, 18. Pour la gloire qui vient des hommes, il n'en est pas ainsi, car c'est l'objet connu qui produit la connaissance parmi nous, et non plus, comme tout à l'heure, la connaissance qui donne l'existence à l'objet. Il en faut inférer que la gloire humaine ne produit pas le parfait bonheur de l'homme, qui est la béatitude, mais que plutôt elle le suppose ou commencer ou consommer. Considérez, en outre, que la connaissance humaine est fort souvent en défaut. La gloire que Dieu donne est toujours véritable, parce que, ne se trompant jamais, celui à qui il rend témoignage a été, suivant l'expression de saint Paul, certainement éprouvé. 2 Corinthiens 10, 18, et c'est ce que le Fils de l'homme confessera dans la gloire de son Père, en présence de ses anges. Mais combien n'est-il pas d'hommes dont le vulgaire a faussement glorifié les noms, et qui ont été forcés de rougir des éloges immérités qu'ils en avaient reçus? Y a-t-il rien de plus honteux qu'une gloire usurpée? La nôtre ne le fut-elle pas, ou est l'homme assez insensé pour faire consister sa béatitude dans un bien qui a d'ailleurs si peu de stabilité? 4. La béatitude est-elle dans la puissance? La puissance humaine, dit à merveille Boès, ne chasse ni l'amertume des soucis, ni les angoisses de la crainte, et, ensuite, regarderez-vous comme un homme puissant celui qui, escorté de satellites, redoute ceux qu'il fait trembler? La puissance est un principe de bien et de mal. Si vous voulez qu'elle constitue le parfait bonheur, dites alors que la béatitude est dans le bon usage de la puissance, c'est-à-dire dans la vertu, et non dans la puissance même. Car le bien suprême ou notre fin dernière est incompatible avec le mal. De plus, quand on possède la béatitude, on ne manque de rien, et, avec la puissance, on peut manquer de la santé et de la sagesse, quelquefois même la puissance fait le malheur de celui qui en est revêtu. Ajouterai-je que les richesses, les honneurs, la gloire, la puissance sont des biens extérieurs incapables de constituer le souverain bonheur, par cela même qu'ils sont soumis aux caprices de la fortune. 5. La béatitude consiste-t-elle dans les biens du corps? Les biens du corps ne peuvent nous donner le parfait bonheur. Il y a une foule d'animaux qui, sous ce rapport, l'emportent sur nous, l'éléphant vit plus longtemps, le lion est plus fort, le cerf est plus agile. D'abord, Il ne se peut pas que la conservation d'un bien qui doit nous conduire à un autre bien soit une fin dernière. Est-ce que le navigateur, dont la mission est de traverser l'océan, ne serait pas insensé de ne se proposer pour fin dernière que la conservation du vaisseau qui lui est confié? Or, notre corps est un navire que nous devons diriger par notre raison et par notre volonté. Nous ne sommes pas à nous-mêmes notre propre fin, c'est pourquoi nous n'avons pas pour fin dernière la conservation de notre corps. En second lieu, en supposant même que l'homme n'eût d'autre fin que la conservation de sa propre vie, on ne pourrait pas encore dire que les biens corporels sont sa fin suprême. Notre être, en effet, se compose du corps et de l'âme, et, quoique l'existence du corps dépende de l'âme, néanmoins la vie de l'âme ne dépend point du corps, aussi le corps existe-t-il pour l'âme, comme la matière pour la forme, comme l'outil pour l'artisan. Les biens du corps se rapportant aux biens de l'âme comme à leur fin, il est évident qu'ils ne sont pas notre fin dernière. 6. La béatitude se trouve-t-elle dans la volupté? Quiconque, nous dit Boès, s'est livré à la volupté, doit savoir qu'elle a toujours une triste fin. Si elle conférait la souveraine félicité, pourquoi n'appellerait-on pas bienheureux les animaux eux-mêmes? Un bien qui appartient au corps et qui est saisi par les sens ne saurait être le bien suprême de l'homme, car si l'âme humaine est incomparablement supérieure à la matière corporelle, l'intelligence, qui est indépendante des organes, l'emporte infiniment aussi, non seulement sur le corps, mais sur toutes les autres facultés inférieures de notre âme plus ou moins liées aux organes. Il suit évidemment de là que le bien qui convient au corps, alors même que le corps est l'instrument de l'âme, n'est pas le bien parfait de l'homme. Il est même fort peu important, si on le compare au bien de l'âme, ainsi que nous l'enseigne cette parole de l'Écriture, tout l'or du monde n'est qu'un grain de sable en comparaison de la sagesse. Sagesse 7, 9. Par conséquent, la volupté corporelle n'est pas le souverain bien de l'homme. Note. Que si le désir des délectations sensibles est plus vif que tout autre chez la plupart des hommes, cela vient de ce que nous percevons mieux les impressions des sens qui donnent lieu à nos premières connaissances. Fin de la note. 7. La béatitude consiste-t-elle dans quelque bien de l'âme? Le bonheur suprême étant, comme nous l'avons dit, la perfection même de l'âme, doit nécessairement être un bien inhérent à l'âme, mais l'objet qui donne la béatitude est en dehors de l'âme. En effet, où il s'agit de l'objet que nous voulons acquérir, où il s'agit de l'usage de cet objet. Si nous parlons de l'objet même que nous désirons comme fin dernière, il est impossible que l'homme ait pour fin suprême son âme ou ce qui en fait partie. Le bien, qui est sa fin dernière, satisfait tous ses désirs, ce que ne saurait faire aucun bien particulier. Si nous entendons, au contraire, par le bonheur suprême l'usage de l'objet désiré, on peut dire en ce sens qu'il consiste dans un bien de l'âme, puisque c'est par son âme que l'homme possède la béatitude. Nous admettons, par conséquent, que la béatitude ou le bonheur suprême est dans l'âme, et que l'objet qui constitue la béatitude est en dehors de l'âme. 8. La béatitude consiste-t-elle dans un bien créé? Le bien universel est l'objet de notre volonté, tout comme le vrai universel est l'objet de notre intelligence. Rien, d'ailleurs, ne saurait satisfaire nos désirs, si ce n'est le bien universel qui est en Dieu seul, toute créature n'ayant qu'un bien participé. Dieu seul, par conséquent, peut combler nos désirs et remplir notre volonté, conformément à cette parole du psalmiste, Il remplit tous vos désirs, en vous comblant de ses biens. Psaume 102, 5. La béatitude de l'homme, on le voit, ne peut se trouver dans un bien créé. Note. L'objet universel de la béatitude, c'est le bien infini et parfait, source de tous les biens particuliers. Dieu est la vie béatifique de l'âme, dit saint Augustin, comme l'âme est la vie naturelle du corps. Voilà ce qui faisait dire au prophète, heureux le peuple qui a le Seigneur pour son Dieu. Psaume 143, 15. Ne reprochons point à notre cœur d'être insatiable, il doit l'être. Toutes les créatures ensemble ne sauraient combler le vide qui est en lui. Ses désirs, sans cesse renaissants, sont le cri d'un besoin immense par lequel il demande le bien parfait et infini. Confirma Carty. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.